Le match de natation des fonctionnaires des comités, ministères et établissements centraux a eu lieu du 19 au 24 juillet à la piscine du centre de bain public de Changwon à Pyongyang à l'occasion des mois de juillet et d'août des sports nautiques. Des épreuves collectives et individuelles ont été organisées dans quatre groupes. Les diplômes et médailles ont été conférés.